quand Joseph Caïphe, et son beau-père Ananus, Nicodème et son frère Gamaliel, et Joseph d'Arimathée allèrent au sépulcre, ils n'y trouvèrent pas les morts. Mais lorsqu'ils allèrent dans la ville d'Arimathée, ils les trouvèrent à genoux. Ils les embrassèrent avec grand respect, dans la crainte de Dieu, et les conduisirent dans la synagogue de Jérusalem. Après avoir fermé les portes, ils prirent le livre de la loi et les posèrent dans leurs mains, puis ils les conjurèrent en disant « Par Adonai, Seigneur Dieu d'Israël qui a parlé par la loi et les prophètes, sachant que c'est lui qui vous a ressuscité d'entre les morts, dites-nous comment vous avez ressuscité ?» À cette adjuration, Carinus et Lucius, petits-fils du grand sacrificateur Simon, tremblèrent de tout leur corps, et gémirent du fond du cœur, tous émus, en regardant au ciel. Dès qu'ils firent le signe de la croix sur leur langue, ils parlèrent aussitôt et dirent « Donnez-nous des tomes de papier afin que nous écrivions ce que nous avons vu et entendu. » Quand on les leur donna, ils s'assirent, et chacun d'eux écrivit ce qui suit. Seigneur Dieu, Jésus-Christ, résurrection et vie des morts, Sainte Trinité. Permets-nous d'énoncer les mystères de ta mort sur la croix, puisque tu nous as conjuré par un ordre, de ne rapporter à personne les secrets de ta majesté divine, tels que tu les as manifestés au Shéol. Lorsque nous étions avec tous nos pères, placés au fond des ténèbres, nous avons soudain été enveloppés d'une splendeur d'or comme celle du soleil, et une lueur royale nous a illuminés. Aussitôt Adam, le père de toute la race humaine, a tressailli de joie, ainsi que tous les patriarches et les prophètes, et ils ont dit « Cette lumière, c'est l'auteur de la lumière éternelle, qui nous a promis de nous transmettre une lumière qui n'aura pas de fin. » Le prophète Ésaïe, Isaïe, s'est écrié en disant « C'est la lumière du Père, le Fils de Dieu, comme j'ai prédit lorsque j'étais sur la terre des vivants, la terre de Zabulon et la terre de Nephtali, et au-delà du Jourdain, le peuple qui est assis dans les ténèbres verra une grande lumière. La lumière brillera sur ceux qui sont dans la région de la mort. Elle est maintenant venue, et brille pour nous qui sommes assis dans l'ombre de la mort. Comme nous tressaillons tous de joie dans la lumière qui a brillé sur nous, notre Père Siméon vint à nous en tressaillant de joie et dit à tous « Glorifiez le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je l'ai tenu dans mes mains nouveau-né dans le temple, et inspiré par l'Esprit Saint, j'ai glorifié et dit « Maintenant mes yeux ont vu le salut que tu as préparé en présence de tous les peuples. Lumière révélatrice aux nations. Gloire de ton peuple Israël. » Tous les saints, en multitude, entendirent ces choses, et se réjouirent davantage. Vint ensuite un homme qui semblait un ermite. Tous l'interrogèrent en disant « Qui es-tu ? » Il leur répondit « Je suis Jean, le prophète du Très-Haut, la voix de celui qui précède la venue de son avènement, afin de préparer ses voies et donner la connaissance du salut à son peuple pour la rémission des péchés. Le voyant venir à moi, j'ai été poussé par l'Esprit Saint et je dis « Voilà l'agneau, le sacrifice de Dieu. Voilà celui qui ôte les péchés du monde. Je l'ai baptisé dans le fleuve du Jourdain, et j'ai vu l'Esprit Saint descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Et des cieux, j'ai entendu une voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, dans lequel j'ai mis toute ma complaisance. Écoutez-le. Et maintenant que j'ai précédé sa venue, je suis descendu vous annoncer que dans peu de temps, le Fils de Dieu lui-même, se levant d'en haut, nous visitera en venant à nous, qui sommes assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. » Lorsque le Père Adam, premier formé, entendit ces choses, que Jésus avait été baptisé dans le Jourdain, il s'écria à son fils Seth. Raconte à tes fils, les patriarches et prophètes, toutes les choses que tu as entendues de l'archange Michaël, quand je t'ai envoyé aux portes du paradis, afin de supplier le Seigneur de t'envoyer son ange, pour qu'il te donne de l'huile de l'arbre de miséricorde, et que tu oins mon corps lorsque j'étais malade. Alors Seth s'approcha des saints patriarches et prophètes, et dit, « Moi Seth, comme j'étais en oraison devant le Seigneur aux portes du jardin d'Éden, voici, Michaël, l'ange du Seigneur, m'a paru et dit, « J'ai été envoyé vers toi par le Seigneur. Je suis établi sur la race humaine. Je te le dis Seth, ne prie pas dans les larmes. Ne demande pas l'huile de l'arbre de miséricorde pour oindre ton père Adam à cause des souffrances de son corps. Car d'aucune manière tu ne pourras en recevoir, si ce n'est dans les derniers jours, si ce n'est que lorsque 5500 ans auront été accomplis. Alors le Fils de Dieu, rempli d'amour, viendra sur la terre, et il ressuscitera le corps d'Adam, et ressuscitera les corps des morts en même temps. À sa venue, il sera baptisé dans le Jourdain, et lorsqu'il sera sorti de l'eau, alors il oindra de l'huile de sa miséricorde tous ceux qui croient en lui. L'huile de sa miséricorde sera pour la génération de ceux qui doivent naître de l'eau et de l'Esprit Saint, pour la vie éternelle. Alors Jésus-Christ, le Fils de Dieu plein d'amour, descendant sur la terre, introduira notre Père Adam dans le paradis, auprès de l'arbre de miséricorde. Quand tous les patriarches et les prophètes entendirent ces choses que disait Seth, ils tressaillirent en grande joie. Et alors que tous les saints tressaillaient d'allégresse, Satan, le chef prince de la mort, dit au prince des Sheol, « Apprête-toi toi-même à prendre Jésus, qui se glorifie d'être le Messie, Fils de Dieu, qui est un homme craignant la mort et disant, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il s'est opposé à moi en maintes choses, et beaucoup d'hommes, que j'avais rendus, aveugles, boiteux, sourds, lépreux, et que j'avais tourmentés par différents démons, il les a guéris d'une parole. Et ceux que je t'avais amenés morts, il te les a enlevés. » Le prince du Sheol répondit à Satan et dit, « Quel est ce prince si puissant? Puisqu'il est un homme, craignant la mort, tous les puissants de la terre sont tenus assujettis par mon pouvoir lorsque tu les amènes, soumis par ton pouvoir. Si donc tu es puissant, quel est ce Jésus qui craint la mort et s'oppose à toi? S'il est si puissant dans son humanité, je te le dis en vérité, il est tout puissant dans sa divinité, et personne ne pourra résister à son pouvoir. Et lorsqu'il dit qu'il craint la mort, il veut te tromper. Le malheur sera pour toi dans les siècles éternels. » Le prince de la mort répondit et dit, « Pourquoi as-tu hésité? Pourquoi redouter prendre ce Jésus, ton adversaire et le mien? Je l'ai tenté, et j'ai excité contre lui mon peuple juif en l'animant de colère de haine. J'ai aiguisé la lance du persécuteur. J'ai mêlé du fiel au vinaigre et lui ai fait donner à boire. J'ai fait préparer le bois pour le crucifier, et les clous pour percer ses mains et ses pieds. Sa mort est proche. Je te l'amènerai assujetti, envers toi et envers moi. » Le prince du Sheol répondit et dit, « Tu m'as dit que c'est lui qui m'a arraché les morts. Beaucoup que je retiens ici au purgatoire m'ont enlevé des morts pendant qu'ils vivaient sur la terre, non de leur propre pouvoir, mais leur Dieu Tout-Puissant me les a arrachés par les prières divines. Quel est donc ce Jésus qui m'a arraché des morts par sa parole? C'est peut-être lui qui a rendu la vie, par les paroles de son ordre, à Lazare, que je détenais mort depuis 4 jours en pleine puanteur et dissolution. » Le prince de la mort dit, « C'est ce même Jésus. » Le prince des Sheol lui répondit, « Je te conjure par ton pouvoir et le mien. Ne l'amène pas vers moi. Car j'ai tremblé lorsque j'ai entendu le pouvoir de sa parole, saisi de crainte, et en même temps tous mes ministres impies furent troublés avec moi. Nous n'avons pas pu retenir ce Lazare, qui nous a échappé avec la vitesse et l'agilité de l'aigle. Lazare est sorti du milieu de nous, lorsque cette même terre, qui tenait son corps privé de vie, l'a sitôt remis vivant. Je sais maintenant que cet homme qui a accompli ces choses a pouvoir dans l'empire du Dieu fort, et pouvoir dans l'humanité. Il est le sauveur de la race humaine. Si tu l'amènes vers moi, tout ce que je retiens, Enfermés ici dans la rigueur des prisons, enchaînés par les liens non rompus de leurs péchés, il les en dégagera par son humanité, et par sa divinité il les conduira à la vie, qui doit durer autant que l'éternité. Et comme Satan et le prince du Sheol parlaient ainsi, il se fit une voix comme celle des tonnerres et du bruit de l'ouragan. Prince, enlevez vos portes. Élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire entre. Entendant cela, le prince du Sheol il dit à Satan. Sors de mes demeures et te battre contre le roi de gloire, si tu es puissant combattant. Qu'y a-t-il de toi à lui? Le prince du Sheol jeta Satan hors de ses demeures et il cria à ses ministres impies. Fermez les portes d'airain. Poussez les verrous de fer. Résistez résolument. De peur que nous ne soyons réduits en captivité, nous qui gardons les captifs. Entendant cela, toute la multitude descendit avec reproche au prince du Sheol, d'une seule voix. Ouvre tes portes afin que le roi de gloire entre. David, le divin prophète, s'écria. Quand j'étais sur la terre des vivants, ne vous ai-je pas prédit que les miséricordes du Seigneur lui rendront témoignage, et que ses merveilles l'annonceront aux fils des hommes? Il a brisé les portes d'airain et rompu les verrous de fer, pour les retirer de la voie de leur iniquité. Ensuite un autre prophète, Ésaïe, dit à tous les saints. Quand j'étais sur les terres des vivants, ne vous ai-je pas prédit que les morts se réveilleront, et que ceux qui sont dans la tombe se relèveront, et ceux qui sont dans la terre tressailleront de joie, parce que la rosée qui vient du Seigneur est leur guérison? Et j'ai dit encore. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Entendant ces paroles d'Ésaïe, tous les saints dirent au prince des Sheols. Ouvre tes portes maintenant. Sans pouvoir, tu es terrassé et vaincu. Il se fit une voix comme celle des tonnerres qui dit « Prince, enlevez vos portes. Élevez-vous, porte infernale, que le roi de gloire entre. » Voyant que ce cri s'était fait entendre deux fois, le prince du Sheol dit, comme s'il était dans l'ignorance, « Quel est ce roi de gloire ?» David répondit au prince du Sheol et dit « Je connais les paroles de cette clameur. Ce sont les mêmes que j'ai prophétisées par l'inspiration de son esprit. Et maintenant, ce que j'ai déjà dit, je te le répète. Le Seigneur, fort et puissant. Le Seigneur, puissant dans le combat. C'est lui qui est le roi de gloire. Le Seigneur a regardé du ciel sur la terre et a entendu le gémissement de ceux qui sont dans les fers, pour délivrer les fils de ceux qui ont été mis à mort. Et maintenant, immonde prince du Sheol, ouvre tes portes que le roi de gloire entre. » Quand David dit ces paroles au prince du Sheol, le Seigneur de majesté vint sous la forme d'un homme, il éclaira les ténèbres éternelles. Il brisa les liens qui n'étaient pas brisés, et nous visita par le secours d'une vertu invincible, nous qui étions assis dans les profondeurs des ténèbres des fautes, dans l'ombre de la mort des péchés. Les princes du Sheol et de la mort, avec leurs officiers impies, virent cela dans leur propre royaume, et furent saisis d'épouvante avec leurs cruels ministres. Quand ils virent la lumière, éblouissant d'une si vive clarté, et le Christ, établi tout d'un coup dans leur demeure, ils crièrent « Tu nous as vaincus. Qui es-tu, toi que le Seigneur envoie pour notre confusion? Qui es-tu, toi qui es sans corruption, qui, par l'effet de ton irrésistible majesté, as pu renverser notre puissance? Qui es-tu, toi si grand et si petit, si humble et si élevé, soldat et général, combattant admirable, sous l'aspect d'un esclave? Roi de gloire, mort et vivant, que la croix a porté et mis à mort? Toi qui es demeuré mort étendu dans le sépulcre, qui est descendu vivant vers nous? Toutes les créatures ont tremblé en ta mort, tous les astres ont été ébranlés, et maintenant tu es devenu libre parmi les morts, et tu troubles nos légions. Qui es-tu, toi qui délies les captifs, qui inondes d'une lumière éclatante, ceux qui sont aveuglés par les ténèbres des péchés. Toutes les légions des démons furent autant frappées par une même frayeur, et crièrent d'une seule voix, avec soumission craintive, disant « D'où es-tu Jésus ? Homme si puissant et splendide en majesté, si éclatant, sans tache et pur de crime ? Car ce monde terrestre qui nous a toujours été assujetti jusqu'à présent, qui nous payait des tributs pour nos sombres usages, ne nous a jamais envoyé un mortel que celui-ci, et n'a jamais destiné de pareils présents aux enfers ? Qui es-tu donc ? Toi qui as franchi ainsi, sans crainte, les frontières de nos domaines ? Non seulement tu ne redoutes pas nos supplices, mais de plus, tu tentes de délivrer tous ceux que nous tenons dans nos fers ? Peut-être es-tu ce sauveur, Yasha, de qui notre prince Satan disait que, par ta mort sur la croix, tu recevrais une puissance sans borne sur le monde entier. Alors le roi de gloire écrasa la mort sous ses pieds. Par sa majesté, il saisit Satan, il priva tout le Sheol de son pouvoir, et mit Adam sous la clarté de sa lumière. Le prince du Sheol fit de violents reproches à Satan, disant « Au prince de perdition, chef de destruction, dérision des anges de Dieu, ordure des justes. Qu'as-tu voulu faire ? Tu as voulu crucifier, avec ruine et mort, le roi de gloire, de qui tu nous avais promis de si grandes dépouilles ? Ignores-tu comment tu as agi dans ta folie ? Car voici, ce Jésus dissipe toutes les ténèbres de la mort par l'éclat de sa divinité. Il a brisé les profondeurs des plus solides prisons. Il délivre et relâche les captifs, et ceux qui sont dans les fers. Voici, tous ceux qui gémissaient sous nos tourments nous insultent, nous sommes accablés de leurs malédictions. Nos emprises et nos royaumes sont vaincus. Nous n'inspirons plus d'effroi à la race humaine. Au contraire, ils nous menacent, et nous insultent. Ceux qui sont morts n'avaient jamais pu montrer de superbe devant nous, ni n'avaient jamais pu éprouver un instant d'allégresse dans leur captivité. Ô Satan, prince de tous les maux, père des impies et des rebelles, qu'as-tu voulu faire ? Depuis le début, et jusqu'à présent, alors que ceux qui désespéraient du salut et de la vie, maintenant, aucun gémissement ne se fait entendre, aucune plainte ne résonne, et on ne trouve aucune trace de larmes sur le visage d'aucun d'eux. Ô prince Satan, possesseur des clés des Sheols. Par le bois de la croix, désormais tu as perdu tes richesses, acquises par le bois de la trahison, et la perte du paradis. Toute ton allégresse a disparu lorsque tu as attaché Jésus sur la croix, ce Messie, roi de gloire. Tu as agi contre toi-même et contre moi. Apprends quel tourment éternel et supplice infini, tu dois souffrir sous ma garde, qui ne connaît pas de fin. Prince de tous les mauvais, auteur de la mort, source d'orgueil. Tu aurais dû premièrement chercher un vrai reproche à faire à ce Jésus. Et puisque tu n'as rien trouvé en lui, aucune faute, ni raison, comment as-tu osé le crucifier injustement, et amener dans notre région, l'innocent et le juste ? Maintenant tu as perdu les mauvais, les impies, et les injustes, du monde entier. Tandis que le prince du Sheol parlait à Satan, le roi de gloire dit au prince du Sheol, « Le prince, Satan, sera sous ton pouvoir à perpétuité des siècles, à la place de mes justes, Adam et ses fils. » Le Seigneur étendit sa main et dit, « Venez à moi, vous tous, mes saints, qui avez mon image et ma ressemblance. Vous qui avez été condamnés au mal et à la mort par le bois, voyez le mal, et la mort, condamnés par le bois. » Et aussitôt, tous les saints furent réunis sous la main du Seigneur. Le Seigneur tenait la main droite d'Adam, et lui dit, « Paix à toi, avec tous mes justes, tes fils. » Adam se prosterna aux genoux du Seigneur, et le supplia dans les larmes, disant à haute voix, « Seigneur, je te glorifierai car tu m'as accueilli. Seigneur, tu n'as pas fait triompher mes ennemis au-dessus de moi. J'ai crié vers mon Seigneur Dieu et il m'a guéri. Tu as retiré mon âme des Shéols. Tu m'as sauvé. Tu ne m'as pas laissé dans l'abîme avec ceux qui descendent. Chantez les louanges du Seigneur, vous tous qui êtes ses saints. Confessez, en mémoire de sa sainteté, que dans sa volonté est la vie, dans son indignation la colère. Tous les saints de Dieu se prosternèrent pareillement aux genoux du Seigneur, et dirent d'une seule voix : Tu es arrivé, Rédempteur du monde. Tu as accompli ce que tu avais prédit par la loi et tes prophètes. Par ta croix, tu as racheté les vivants. Mort sur la croix, tu es descendu vers nous pour nous arracher des Shéols des morts par ta splendeur. Toi Seigneur qui élèves ta croix sur terre, comme enseigne de la rédemption. Qui la place au ciel comme enseigne de ta gloire. Toi Seigneur qui place ta croix au Shéol, comme enseigne de ta victoire. Qu'ainsi, la mort ne domine plus. Le Seigneur étendit sa main et fit un signe de croix sur Adam, et sur tous ses saints. Puis il s'éleva des Shéols en tenant la main droite d'Adam, suivi par tous les saints. Le prophète David cria avec force. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, car il fait des choses admirables. Sa droite et son bras nous ont sauvés. Le Seigneur a fait connaître son salut, il a révélé sa justice en présence des nations. Ainsi soit-il, répondit la multitude de tous les saints. Louez Dieu, dont la gloire est sur tous les saints. Alors le prophète Habacuc cria : Tu es sorti pour le salut de ton peuple, pour la délivrance de tes élus. Béni qui vient au nom du Seigneur, répondirent tous les saints, qui nous éclaire par le Seigneur Dieu. Pareillement, le prophète Micha cria : Dieu retire les iniquités et efface les péchés. Pour toi-même, Seigneur, tu te retiens de manifester ta colère. Car tu inclines davantage à la miséricorde. Tu as eu pitié de nous et tu nous as absous nos péchés. Tu as plongé nos iniquités dans l'abîme de la mort, ainsi que tu l'avais juré à nos pères dans les jours anciens. Il est notre Dieu à toujours, pour les siècles des siècles. Répondirent tous les saints. Il nous gouvernera dans tous les siècles, ainsi soit-il. Louez Dieu. Pareillement, tous les prophètes récitèrent leurs anciens chants, dédiés à la louange du Seigneur et à tous ses saints. Et le Seigneur, qui tenait Adam par la main, le remit à l'archange Michaël. Et tous les saints suivirent Michaël, qui les introduit tous dans la grâce du glorieux paradis. Deux anciens des jours vinrent au-devant d'eux. Les saints les interrogèrent. Qui êtes-vous ? Vous n'étiez pas avec nous au Shéol, mais avez été placés au paradis, avec le corps ? Je suis le Hénoch. J'ai été transporté ici par la parole du Seigneur. Et celui qui est avec moi est Élie, Éliaou le Tishbi, qui a été enlevé sur un char de feu. Nous n'avons pas goûté la mort jusqu'à présent. Nous sommes réservés pour l'avènement de l'Antéchrist, armés de prodiges et des signes divins, pour se battre contre lui, puis être mis à mort à Jérusalem, et enlevé vivant dans les nuées, après 3 jours et demi. Tandis qu'Hénoch et Éliaou parlaient aux saints, voici, un homme très misérable survint, portant le signe de croix sur ses épaules. Lorsque tous les saints le virent, ils lui dirent, qui es-tu? Ton aspect est celui d'un larron, mais d'où vient que tu portes le signe de croix sur tes épaules? Vous avez dit vrai, dit-il, j'ai été un larron, pillard, qui a commis tous les crimes sur terre. Quand les Juifs m'ont crucifié avec Jésus, j'ai vu les merveilles qui se sont accomplies sur la croix de Jésus crucifié, et j'ai cru qu'il vient du Roi Tout-Puissant, Créateur de toutes les créatures. Alors je le priais. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras venu dans ton royaume. Il a exaucé ma prière, et aussitôt me dit. En vérité je te le dis, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Il me donna ce signe de croix en disant « Entre dans le paradis en portant cela. Si l'ange gardien du paradis ne veut pas te laisser entrer, montre-lui le signe de croix et dis-lui « C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu crucifié, qui m'a envoyé. » Quand j'eus fait cela et dit toutes ces choses, lorsque l'ange gardien du paradis me les entendit dire, il ouvrit, et me fit aussitôt entrer. Il me plaça à la droite du paradis en disant « Attends un peu de temps, quand Adam, le père de toute la race humaine, entrera avec tous ses fils, les justes et les saints du Seigneur Messie, le crucifié. » Lorsqu'ils entendirent toutes ces paroles du larron, tous les patriarches dirent d'une seule voix « Béni est le Seigneur Tout-Puissant, Père des bontés éternelles, Père des miséricordes. Toi qui as donné une telle grâce à des pécheurs, qui les a introduits dans tes gras pâturages, où réside la véritable vie spirituelle, dans la grâce du paradis, ainsi soit-il. Ce sont là les divins mystères sacrés que nous avons vus et entendus. Moi Carinus, moi Lucius, il ne nous est pas permis de continuer à parler des autres mystères de Dieu, ainsi que l'archange Michael nous l'a fortement déclaré, disant « Allez avec vos frères à Jérusalem. Vous serez en oraison, chantant et glorifiant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, vous qui l'a ressuscité d'entre les morts avec lui. Vous ne parlerez avec aucun des hommes, vous resterez assis comme des muets, jusqu'à ce que l'heure arrive, que le Seigneur vous permette de rapporter les mystères de sa divinité. » L'archange Michael nous ordonna d'aller au-delà du Jourdain, dans un abondant lieu très fertile, où plusieurs ont été ressuscités avec nous, pour témoigner de la résurrection du Christ. Nous qui sommes ressuscités d'entre les morts, il nous est permis pour 3 jours seulement de célébrer la Pâque du Seigneur avec nos parents à Jérusalem, en témoignage de la résurrection du Messie Seigneur. Nous avons été baptisés dans le Saint fleuve du Jourdain, et avons tous reçu des robes blanches. Et après les 3 jours de la célébration de la Pâque, tous ceux qui furent ressuscités avec nous, ont été enlevés dans les nuées, et conduits au-delà du Jourdain, sans avoir été vus de personne. Ce sont les choses que le Seigneur nous a ordonné de vous rapporter. Donnez-lui louange. Faites confession et pénitence, afin qu'il ait pitié de vous. Paix à vous dans le Seigneur Dieu et Jésus-Christ le Sauveur de tous les hommes. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Après qu'ils eurent achevé d'écrire séparément toutes ces choses sur des tomes de papier, ils se levèrent, et Carinus remit ce qu'il avait écrit dans les mains d'Anne, de Caïphe et Gamaliel. Pareillement, Lucius donna ce qu'il avait écrit sur le tome de papier dans les mains de Nicodème et de Joseph d'Arimathie. Et tout d'un coup, transfigurés, ils apparurent vêtus de vêtements d'un blanc éblouissant, et on ne les vit plus. Leurs écrits se trouvèrent égaux, n'étant ni plus ni moins grands, sans qu'il y eût même une lettre de différence. Tous les Juifs de la synagogue qui entendirent ces discours admirables, de Carinus et de Lucius, furent dans la surprise, et certains Juifs se dirent l'un l'autre « C'est véritablement Dieu qui a fait toutes ces choses. Béni soit le Seigneur Jésus, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. » Ils sortirent tous dans une grande inquiétude, ils frappèrent leur poitrine dans la crainte et le tremblement, puis chacun se retira chez soi. Toutes ces choses que ces Juifs dirent dans leur synagogue, Joseph et Nicodème les annoncèrent aussitôt au gouverneur Pilate, qui écrivit dans les registres publics de son prétoire tout ce que les Juifs avaient dit concernant Jésus.